Non, mais je ne peux pas venir aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Que je suis là pour adorer le crâne. Oui. Hein? Demain, tu me trouves ici dedans. Parce que l'homme qui part ici, oui, ne peut pas venir là où je suis. Pourquoi? Entre l'homme qui part adorer Dieu et celui qui fait le crâne, lequel est le bon chemin? Bon, je crois peut-être que pour moi, oui, si je prends ça, oui, ça veut dire ça que mes parents ont grandi. Est-ce que c'est le problème de tes parents? Quoi? Quand mon frère, quand quelqu'un quitte chez nous pour entrer dans Dieu, oui, hein? Oui. Tu vois, ça fait tout un dérangement, non? Même quand il y a quelque chose, on va dire que, ah, ne comptez pas celui-là sur ça. Oui. Tu vois? Oui. Mais le chemin, c'est que j'ai. Mais, tu es là, d'ailleurs, tu as dit que ta famille t'a déjà rejeté. Tu as des problèmes avec la famille. Pourquoi tu peux encore suivre le Dieu de tes pères? Ce n'est pas tout la famille qui m'a. Mon père reste. Oui. Hein? Mais il est mort déjà, non? Il est mort déjà. Tu passes le tombeau, fais quoi alors? Non. Est-ce que tu es sûr qu'il est mort? Il est mort, il est sorti du tombeau, on a vu qu'il est mort. L'ignorance, il est mort. Non, attends, c'est sérieux, il faut qu'on l'aide. On a touché le domaine physique. On a toujours le domaine physique, on l'a aidé dans le domaine physique. Il faut qu'on l'aide dans le domaine spirituel maintenant. Baby, n'est-ce pas? Oui. Attends, toute ta prospérité là. Regarde, Dieu ne fait rien sans avoir un témoin. Oui. Toi, tu veux mettre tout le monde au ciel alors que d'autres sont déjà en point. Voilà. Il n'a pas eu encore la compréhension. Il faut qu'il présente la compréhension pour qu'il soit clair face à sa vie. Je te dis que le chemin que je dois opter, oui, là, mm-hmm, maintenant, là, oui, c'est pas facile que je laisse. Je ne peux pas quitter la soirée. Qu'est-ce qui t'empêche de laisser? Moi? Qu'est-ce qui t'empêche de laisser l'écran? Les sacrifices que j'ai déjà faits. Oui. Il est demandé qu'attendez, j'en vais là dehors. Oui. Même comme Dieu, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir, c'est ça. Dieu est le Tout-Puissant, non? Quand j'ai prouvé là, n'est-ce pas? Oui. Quand aujourd'hui, j'ai bien lancé le jujube. Oui. Demain, lance la cola. Oui. Demain, je lance. De me lancer d'abord le maïs, le maïs qu'on a préparé en boule là. Oui. Les jettes là. Oui. Sous ma part de pas de Dieu. Oui. Attends, voilà. Demain, lance le coq. Mm-hmm. Demain, lance la chèvre. Oui. Demain, maintenant, je suis là au niveau de la chèvre au village maintenant. Non? Oui. Je l'ai dit encore que laissez. J'arrache la panthère, je vous. Voilà. Tu vois ça? Oui, voilà. Je l'ai dit maintenant qu'attendez, je vais maintenant. La panthère, c'est quoi? Venez au village, fais un don. Mmh. Même comme un forage. Oui. Hein? Oui. Fabrique-moi les pagnes. Oui. Partagez aux femmes qui sont encore vivantes. Oui. Je te pose la question. Je me les bœufs. Je te pose la question. Qui ont pas aujourd'hui. Oui. Je te pose la question. La cola, le maïs que tu verses au sol là. Quand ton père était vivant, c'est ça qu'il mangeait. C'est ça qu'il faisait. Non, pas fait. Il dit que quand tu donnes, que se passe la nourriture qu'il vient te donner. Il veut que tu réfléchisses doucement. Non, je sais faire. Tu viens verser l'huile sur avant un endroit. Comme ça, je goûte d'abord, je mange. Non, c'est pas le problème là-bas. Il dit, n'est-ce pas, hein, oui. Quand tu donnes comme ça, là, tu donnes un peu du coup, tu verses au sol, bien tu le déposes dans un truc. Est-ce que les salaires sont pour manger ça? Je dis, grand. Oui. Quand je pars au village, oui, même pas seulement mon village, oui, il y a des endroits qui vont faire le sacrifice. Ma bande amène à plus de 2 millions. Hein. Oui. Quand je pleure la langue comme ça, n'est-ce pas? Oui. Mais on me dit que il y a un truc que tu allais faire, un sacrifice à Banja. Oui. Qui dit ça, le marabout? Mais ça, on me manque, oui, le marabout me manque. Oui. Hein? Oui. Ce n'est pas lui qui vient faire. L'homme qui monte, ce n'est pas l'homme qui vient faire. Oui. Il se met là, il me dit que voilà ce que tu dois faire. Mm-hmm. Je pars, j'invite tout un village, oui, de la zone. On part, on ouvre un endroit sacré. Oui. Une forêt. C'est, bon, là-bas, c'est différent. Hein. Oui. C'est comme les villes. En entrant là-bas, tu te mets nu. Oui. Hein, les bûches. Il y a des gens qui servent là-bas. Il y a les trous, non? Oui. On a ouvert des gros trous comme ça. Tu es une chef, tu ne goûtes même pas. Oui. On travaille, tu prends, tu mets dans le trou. Attends, qui mange ça dans le trou là-bas? Bon, c'est ma part de Dieu. Attends, s'il te plaît, on a, oui, posé de bonnes choses aujourd'hui. Oui. Je veux que tu regardes en haut. Regarde en haut, regarde ce que nous voyons. Quoi en haut là-bas? Je regarde la terre. Non, attends. Même si tu regardes la terre. La terre que tu peux creuser là, la forêt haute là-bas, qui a créé ça? Tu connais même pas la formule de la création de la terre. Nous, on adore. L'endroit sacré, nous, on adore. Oui. Tu crois dans l'endroit sacré, tu vois l'antenne de Sirendou, bord de la route. Oui. L'autre, on retire là où on a enterré ton père. L'autre, on part là où, en bas d'un arbre. Oui. L'autre, on part. Donc, ça dépend de quelle manière. Non, je pose, la question que je vais poser, c'est ceci. Ouais. Entre le créateur et les créatures, tu dois adorer qui? Vraiment. Il n'y a pas encore mon pitch. J'ai mon chemin, j'ai ma part. Non, je te conseille. Voici ce que Jésus a dit. Le grand conseil qu'on est en train de te donner. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est d'adorer le créateur. Il a dit. Ce que tu as en train de faire. Jésus a dit quoi? Il a dit qu'il est le chemin. Je veux m'emballer. Non, je ne veux pas t'emballer. Je prends ta route. Mm-hmm. Dimanche, il prend sa route. Dimanche, il prend la tienne. Non, attends. Hein? Ce n'est pas le problème de route. Le problème, c'est le problème du cœur. Marcher physiquement, on ne marche pas physiquement pour aller chez Dieu. Je parle de la relation dans ton cœur et le Créateur. Oui, j'ai aimé. Le soleil qui est là, c'est lui qui te donne ça, le souffle, c'est lui qui donne l'eau. J'ai aimé le Dieu de la terre. Oui. Je n'ai pas aimé le Dieu du ciel. Pourquoi? Ça, mais toi, tu aimes le ciel, pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Ah, bon, j'ai aimé pas parce que j'ai aimé cela. Si on part tout là-bas en haut, qui va rester à terre? Donc tu choisis de quitter pour aller en enfer. Oui, je vais l'enfer. Comment tu peux dire des choses? Je vais l'enfer, Dieu. Je veux l'enfer. Ouais, réfléchis ce que tu en es de Dieu. Tu es en train de parler devant les serviteurs de Dieu et les anges sont au courant. Je veux l'enfer. Tu je ne peux pas goûter. Dieu l'a touché ma part. On va toujours me convaincre, il ne peut pas changer ma part. Attends. Tu connais ce qu'on appelle l'enfer, hein? Je ne connais pas. Oh, vraiment. L'enfer, c'est le feu. Là, quand tu vas mourir, tout à l'heure, on parlait de ce que tu vas mourir. L'avion, il y a les crashs d'avion, les gens se brûlent. Oui. Ça brûle le corps. Mais le problème, c'est qu'après ça, ton âme va quelque part. Donc, je ne connais pas le corps, non, mais pas. Je viens d'abord de pour réviser. Alors, maintenant, tu es allé adorer ton père qui est mort. Donc, tu es au courant qu'il est quelque part, non? Je viens. Écoute, je te dis encore une dernière, mon espoir. Oui. Quand je vis là, mon père là, mais mon père me protège. Ah. Il est où? Alors, lui, voilà, c'est bon, prenons ça. Oui. Lui, il est où? Il dit, ah, mon père me protège. Oui. Il te jure. Attends, je te pose la question là. Joseph! Tu veux de l'eau boire? Je veux l'eau boire. Non, non, laisse-y pas dire ta pantalon. Laisse-y pas ta pantalon. Viens, ici, que tu tombes sur le soleil. N'importe quel. Non, qui danse sur le soleil. Je dis qu'elle parle doucement. Ouais, mon président. Mon président, je ne sais même pas. C'est maintenant que mon. Vraiment. C'est lui qui m'a vendu le terrain là. Il m'a mis la fonte. Ok. Ouais, président. C'est maintenant là qu'ils me disent. À deux pas. Je ne viens pas ici, président. Il vient d'arriver. Ouais. C'est maintenant que j'ai une deux du maman là. Ça, c'est la. C'est même la nuit. Comment je suis venu hier? C'est la nuit que j'ai entendu. Que j'ai entendu le. Ça, c'est ma famille. Dans ce village. Tout ça là, c'est là, je paye tous mes terrains dans, à leur famille. Je n'ai pas deux, jusqu'à quelqu'un qui vient, il me dit non. Comment non, ça va, grand frère? Bonjour. Comment? Grand frère, je n'étais pas là. Tu vas faire quoi? Quand tu viens, tu me cherches. C'est lui qui me vend là où vous étiez. Ok. C'est lui qui me vend là où je construis en bas là. C'est son grand frère Gabin qui me vend. Là où on a vendu pour sortir. Donc c'est tu as acheté dans la même famille? La même famille, non. La même famille. Je suis de cette famille ici. Bien sûr. Donc, je ne fais rien. C'est mon frère. Je suis son frère. Donc, je veux porter ma part. Ça fait deux heures de temps qu'on est en train de causer. Sous le je veux porter ma part de pain et le balai comme ça là. Pour être dans. Oui. C'est la nuit que j'ai entendu le bruit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas. À la fenêtre, il regarde. Le président, il a perdu sa maman. Président. Claude. Okay. Il y a un grand deuil là-bas. Chez Claude. Oui. J'ai entendu le bruit. Puis j'ai entendu quelque part encore. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle est morte quand? La maman est morte, ça fait, il y a d'ici là, trois semaines. Je sais pas. Attends, peut-être, je crois que c'est la. Donc tu fais ça, non, n'est plus. Oui, la barrière. Là, je suis là. Tu es sorti par où? Sur le grand-père là. Oui, tu es sorti par où pour arriver là-bas? J'ai fait trois de temps ici. Hein. Ah bon? Oui, ça fait depuis le matin. Ils sont passés par là. Ah. Ok, ils sont passés à pied, peut-être dans le couloir là. Ils sont passés par là. Donc là, je viens comme ça, la chef, là, le chef descend. Tu t'accompagnes alors? Oui, mais allons. Je t'accompagne. Tu m'accompagnes. J'ai fini d'abord, viens le dossier avec mon ami si j'ai fini d'abord son dossier. Non, dans ce cas, tu ouvres la voiture pour que tu ouvres la voiture pour que le soleil et le chef s'assoient dans la voiture. Non, je veux que. Il fait chaud. Non, mais dis que tu ouvres la voiture, l'air circule, non. Laisse-moi d'abord, tu viens trouver ton ami. Hein? Comme ça, on couche. Regarde pas mauvais. Quand ça, c'est mon gars, hein. Quand tu voyages, tu rentres. Ça fait 10 ans, hein. Ça fait près de 10 ans, non. En plus. Qui m'a vendu. Ah ouais, plus. Là où j'ai construit l'étage là. Là-bas, c'est dans 15 ans. Oui. Donc vous êtes longtemps de plus. Ouais. Même ça, c'est sa petite soeur. Il m'appelle toujours que voilà ma petite soeur qui s'en va aller en Europe. Il veut verser l'argent à quoi? Les 1000 mètres carrés d'arc là-bas. Son grand frère Claude, là où sa maman est morte là. C'est lui qui me donne. Comme tu ne vois pas que c'est Dieu qui te fait tout ouvre toutes ces. Ça, c'est ma famille. Non, mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a béni comme ça. Donc. Quand il vient toujours comme ça, il ne sait pas que j'ai dit frère, mais je paye tout cash, il connaît. Mais il a l'impression qu'il pense que tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a béni comme ça. Non, aussi que Dieu, on me rend dans la bonne famille. Qui? Non, mais il dit que dès le départ, non, c'est Dieu qui est derrière, non? Le problème, c'est qu'il est tombé dans une bonne famille, parce qu'on frappe ici. On frappe ici? Donc tu vois le truc que tu prends après 15 ans, t'es qui va vérifier. L'hôtel. Tu n'as pas cadastre. Tu pars, tu payes, sans avoir peur. Mais aujourd'hui, on t'entend. Je laisse la chauffeur, je viens. Je ne manque pas. Donc, donc, je t'attends en bas. Ça, c'est mon pareil. Après tout. Aujourd'hui, on est au village. Tu as pas cette famille ici. Je vais me mettre comme ça. Ton grand-père, tu m'as fait menacer son quartier. Ton grand-père, c'est quand il peut déranger. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. Non, tu ne sais pas tenir du tout. Encore, le chef dit que j'ai deux, tu me dois rien. C'est le nouveau chef qu'on a installé là. Oui. Voilà. Ça, c'est ouvre ta porte, regarde comment j'ai ouvert. Je vais venir seulement qu'on finit ça, j'ai le coup en bobby, on m'appelle. Oui. Bon. Oui. Depuis que tu es ici, tu as observé la façon dont je vis. Tu as observé, est-ce que j'étais dérangé un jour? Non. S'il y a des gens dans ta maison, les plus fidèles, c'est moi. Exactement. Un jour, tu as entendu, tu es venu ici, tu étais au téléphone là-bas, tu as vu comment il délivrait une fille ici. J'ai compris. Et bon, à moins que tu amènes quelqu'un. Oui. Mais j'ai encore dit que si tu amènes la personne ici, là, tu me regardes pas pour ça. Oui. J'ai mon ami raconte que l'enclure a quelqu'un dans le corps de son enfant. Amène-le, on le délivre. Bon, il est parti donc chez quelqu'un quelque part là-bas. À Rio, on lui a demandé combien. Il m'a dit que non, j'ai quelqu'un. Il dit que non, il y a quelqu'un qui a prié sur l'enfant. Étant de Bafoussam dans le téléphone, il a compris comment la personne parlait dans le corps. Mmh. Donc actuellement, il est à Bafoussam. Okay, donc s'il finit à Bafoussam, ça n'aboutit pas. Oui. Parce que si quelqu'un commande quelque chose, il dit que non, il a vu quelque chose. Il a compris comment on parle, il dit que non. S'il finit là-bas, ça ne va pas. Hein. Mmh. Je peux la ramener. Mmh. Mais et puis on le décourage. Mmh. On lui dit que le type s'est attracé, le pasteur s'est attracé. Quel pasteur? Il a dit un pasteur ici, le Kojefa, on ne sait pas ici. Et il lui a demandé l'argent pour prier. Oui, pour enlever le démon. Le démon. Mmh. Bon, il dit n'est-ce pas, oui. Le fait que je prie chez toi, comme j'habite chez toi, oui. Est-ce que ça t'a déjà dérangé? Non, personne ne se plaint. Okay. Personne. En fait, c'est pour ça que je prie quand les gens ne sont pas là. Oui. Je ne prie pas la nuit, je ne prie pas ici, je prie seulement en journée. Mmh. Et les journées où tu es venu, tu m'as trouvé en train de prier, c'est parce que je sais que personne peut être là. Non, ça ne me dérange pas. Okay. Si ça n'ennuie personne, hein, oui. Vraiment, pourquoi donc ça m'ennuie? Voilà. Maintenant, je suis serviteur de Dieu. Quand je te dis que voici la façon de marcher, regarde, tu as au moins, je ne sais pas combien de terrain tu as. Non, bon, si j'ai menti, n'est-ce pas? Oui. Je t'ai dit que, bon, si j'étais 17 et menti, on dit combien d'années ça fait, non? Mm-hmm. Donc, on comprend que ça fait depuis peut-être plus de 15 ans que j'ai. Bon, plus de 15 ans que je suis en désaccord avec ma famille. Oui. Bon. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il faut le pardon. Il faut le pardon. Si j'avais menti, oui. On peut dire que voilà, n'avait pas payé le terrain. Si. Oui. Lui, là, j'ai payé à lui. Oui. Là, j'ai conçu là-bas. Oui. Ça, c'est jumelle. C'est 750 mètres. Je veux payer tous les 750 mètres. Oui. Mais la jumelle, si vous voulez que son enfant parte en Europe, oui. Il m'a vendu. Son grand frère, que sa mère est morte, oui. Était en prison à Nebel. Oui. Il est parti là-bas, juste au terrain de côté. Il a coupé le ramène de quelqu'un avec la machette. Il fallait 10 millions pour le faire sortir de la prison. 13 millions. Il m'a vendu 1000 mètres carrés en boule là-bas. Il paye ça 11 500 000 cash. Parce qu'il avait 3 millions. Oui. Il donnait 11 500 000. Il devait encore nourrir les gens après le truc. Oui. J'ai sauvé toutes les familles comme ça. Oui. Ils m'ont vendu là-bas. Et même là-bas, j'ai payé. J'ai payé les terrains. Il y a des terrains. Mais tu as tout ce terrain là. La question que je te pose, bon, c'est. Bon, j'ai tout ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais c'est-à-dire que j'ai déjà opté un autre chemin. Oui. Mais ce n'est pas le bon chemin. Supposons que tu vas aller à l'ouest. Oui. Tu conduis la voiture. Tu engages pour la route pour aller plutôt vers le centre, vers Yaoundé. Mm. Quelqu'un te dit que vous allez où? Je dis je m'en vais à l'ouest. On dit que non, ce n'est pas la route de l'ouest ici. Non. Tourne-nous comme ça. Est-ce que tu vas continuer parce que tu as opté cette route-là? Voilà ma part que tu dis, n'est-ce pas? Oui. Là où je suis avancé. Oui. Avancé comment? Dans, traditionnellement. Oui. Dans les coutumes. Oui. Dans le village. Mais tu peux toujours t'en sortir. Non. Et tu ne peux pas être dans des. Réunion secret. Oui. Hein? Oui. Et tu entres. Dérange-toi bien. Tu me parles dans le truc secret. Oui. Et tu entres encore dans Dieu. Oui. Puisque moi, même si je ne vis plus, oui. J'ai ma partie de viande là que ça va rester. Oui. Et si je meurs, il faut beaucoup d'argent pour me pleurer. Je pose la question. Oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit que ça vient de dire. C'est pas dans l'église. Oui. C'est que j'ai trompé. Le Dieu de la famille. Oui. Moi, pas le Dieu de la famille. Oui. Le Dieu du village. Le Dieu du village. Oui. Parce que là où je suis, n'est-ce pas? Oui. Je suis entré dans beaucoup de réunions secrètes. Oui. Réunions secrètes, c'est quoi? Il y a des choses qui sont les initiés seulement. Ce sont les initiés. Moi. Oui. Chez nous, comme vous parlez de. Comme on parle que machin. Oui. Chez nous, on ne laisse pas. On confie le successeur à quelqu'un. Oui. Bon, comme je suis dedans, ils sont encore un peu jeunes. Oui. Les gens n'ont pas avancé. Oui. Mais confie. Parce qu'il y a le totem, il y a le gardien de la tradition, voilà. Le gardien de la famille. Quand il me confie. Oui. Il n'y a que moi, cela, qui a l'habitude de dire que. Quand on tourne autour de deux là, oui. Ce n'est pas quelqu'un qui vient chez nous. Oui. Quand tu tournes là, tu viens là. Tu l'attrapes. Lève la main. Que c'est passé la personne. Que voilà l'homme qu'on m'a laissé. Si quelqu'un d'autre veut changer, il va tomber. Il va tomber. Mm-hmm. Et la folie va commencer. Quoi est-ce que ça dit? Regarde, n'est-ce pas? Bon, tu comprends pour nous alors, ça devient compliqué. Oui, je comprends. Avec tout ça que j'embrasse, oui. Si je quitte encore là, oui. Avec tous les. C'est des gens qu'on m'a donné. Oui. J'ai vu à l'église. Oui. Ce n'est plus ce chemin. Mais le problème, c'est que c'est ton âme qui est en jeu. Regarde, moi, je suis de la même région que toi. Je suis de l'ouest comme tu es de l'ouest. Ça veut dire que nous sommes dans la même tradition. Oui. Mais je sais que c'est la voie de la tradition dans notre coutume oui. N'est pas bonne. Regarde, aujourd'hui, tout à l'heure, là, avant que tu m'aies accompagné le chef. Si c'était pas bonne, n'est-ce oui, pas? Oui. J'étais déjà entré à deux pieds. Oui. Mais tu peux encore sortir. Tu es ici avec moi à Douala maintenant. Je ne peux pas porter. Un truc secret oui. Que je mets comme ça, un truc que je me cache oui. Pour danser, mais je te vois, tu ne me vois pas. Oui. Après, je viens retirer ça, je dépose à qui? Quand j'avais la portée sur moi. Non, attends, je vais t'expliquer c'est maintenant. C'est pour les secours, ça, hein? Oui. Je ne peux pas porter une masque. Oui. J'enlève encore la masque, que je laisse ça, je pars. Oui. Non. Oui. Je peux te bon, défier. Attends. On va le te dire, non? Oui. Je ne peux pas porter un masque. Oui. Jusqu'à là, c'est que voilà, la masque de tel, s'il n'est pas là, oui. son fils va porter cette... Quand tu portes ça, tu es invisible, non? Oui. Oui. Et il y a même des choses qu'on peut tirer sur toi, tu disparais. Oui. Là, et si je ne suis plus, oui. Je veux laisser quelqu'un qui va rester porter ça. Oui. Si la personne n'est plus, il va encore laisser quelqu'un qui va laisser ça. Parce que donc on transmet de génération en génération. De génération, voilà, tu as compris. Alors, je te pose la question. Oui. Tu es venu, si tu as entendu, j'ai prié pour déloger les esprits de corps. Je t'ai placé là, non? Voilà. J'ai compris. J'ai dit que je savais pas que tu faisais ça. Oh. Je me suis mis là-bas en bas de l'arbre. Je t'ai vu, tu t'avais le téléphone. Tu entendais, J'attendais, j'ai dit que je voulais voir. Je dis que sors de ce corps. Oui. J'ai compris. J'ai compris. Dit que, mais que lui-même, qu'on commande. Je veux que peut-être c'est toi qu'on sortait dans toi. Donc, quand je me mettais là-bas, je disais que, ah, qu'est-ce qu'elle arrivait donc à mon père là. Mais c'est après, donc, j'étais curieux aujourd'hui là. Mm-hmm. J'ai fait remarquer que je n'ai pas peur. Mm-hmm. C'est après que les gens là sortent là, ici, ils se disent merci beaucoup. Je dis que, hey! Non, c'est lui. Non, c'est toi, viens, bon. Bon, je vais te demander, je dis que non, c'est pas, il faut pas, c'est tout seul. T'es curieux. Je suis là-bas, je dis que, qu'est-ce qui est arrivé? Sinon, quand le voisin, je suis resté comme ça, il avait couru quelqu'un, ça ne vient pas. Oui. J'ai vu, il me dit que, mais je suis comme ça de la cellule. Oui. Donc, je me suis dit que, qu'est-ce qui est arrivé à l'homme si. Mais il a vu comment tu as quitté ici pour aller là-bas à l'extrémité. Je voulais me rassurer, il faisait même chaud. Oui. Vers 11h, que je suis comme ça là. Oui. Je suis parti loin là-bas, je me suis mis là-bas, j'ai dit. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à. Comment c'est que je suis arrivé? Parce que quand c'est comme ça, tu ne veux pas toquer. Oui. C'est après que les gens sont sortis avec la moto là, non? Oui. Et je disais vraiment grand merci, pasteur. J'ai dit. J'ai démarré. J'ai tourné aussi à partir de l'église. L'homme, si alors. C'est qui, mon registre? Je n'ai jamais vu partir à l'église. Oui. Voilà ce qui m'inquiète. Je n'ai tout jamais vu partir à l'église. Même pas avec la Bible. Même pas avec la Bible. Bon, il n'y a que ta femme qui s'habille un peu comme un musulman. Oui. Moi, ça m'a. Ça l'a dépassé. C'est lui, c'est moi, il va y partir à l'église tous les. Le monsieur qui est en bas de moi là. Même la femme qui est sortie là. Oui. Elle me fait penser à l'église. Mais moi, il ne parle pas. Je ne parle pas. Ta femme ne parle pas. Parce que tu lèves à 10h. Oui. Tu pars à 6h. Je suis Wanda. Après là que. J'ai demandé à qui la femme, ma mamie Tonton qui était avant en bas là. Oui, qui m'a dit que tu sauves beaucoup de gens ici. Qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des mains de partout. Il dit que ça c'est le spirit. Il dit que ça c'est le spirit. Dans ma tête, demain là-bas, oui. Parce que tu as vu, tu as vu. Est-ce que tu, quand tu vois ça sur moi, est-ce que tu peux voir que c'est comme ça? Je ne ressens même pas un enfant de Dieu. Voilà. Alors ton témoignage. Ma part, c'est pas dit que je refuse. Oui. Je t'explique quelque chose. Oui. Je te dis encore, je lèche la guerre. Oui. Tu es pasteur, non? Oui. Si je te dis ça, oui. Et tu vas encore vérifier chez toi. Oui. Si je mens, je meurs demain. Je suis sûr que mon grand-père ici, oui. Était dans l'église. Oui. En faisant ça, il est mort. Oui. Si tu veux encore. Non, non, parce qu'il a fait dans les deux côtés. Dans les deux côtés. C'est pour ça qu'il parlait de choix. Il faut choisir. Voilà, il a fait. Dans les deux côtés, j'ai perdu. On ne blague pas avec Dieu. Quelqu'un qui dit, cher, nous, tout. On l'a mis sur ce. Bon, toi, tu as peur de cela. En le mettant dedans, mettait à l'église. Oui. Dès qu'il est parti dans la coutume, oui. Quand on vient, que papa, on veut que tu nous fais ça. Il allait faire. Il n'a pas fait. Après, ils sont encore pas à l'église. Oui, en faisant ça. En le mettant sur ce, il était à l'église. Oui. Et maintenant, quand tu mets la succès, tu vas résoudre le problème. Et quand il vient dans un problème, tu ne résous pas. Il peut avoir un autre esprit encore. Oui, il peut encore alors que l'autre. Ça l'est pris. Bon, et on l'avertit oui. Que tu choisis ou tu laisses un côté. Au moins trois fois en esprit. Le père est venu lui dire que non, comme tu vois là. Tu on lui dit. Non, c'est même que le père lui dit, mais les gens lui dit que non, là où tu parles, ça va t'amener. Oui. Il a un peu fait la tête, ça l'a amené. Non, c'est vrai, on dit. C'est... Est-ce que tu sais ça? On a perdu, il est mort. Oui. Et quand il est mort, il travaille, il est quand? Cadre. Oui. Ça fait boum, ça fait boum. On l'a tué pour prendre le poste, on l'a tué pour ceci. Mais ultérieurement. On a dit que non, il n'est pour rien. Oui. Parce qu'il était averti. Oui. Et quand tu t'es averti, comme maintenant, j'ai un côté. Oui. Si il veut lâcher le côté, on dit que non. Là, peut-être chez nous, on va même lui tuer. Oui. Parce que, on sait que si tu parles à l'église. Oui. En priant les gens, tu vas dire que on me trompait dans le tout si je sais, ça va. Parce que tu vas livrer parce que secrets là-bas. Et si, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut fermer ma bouche pour oublier. Là, d'accord. Oui, là, justement, je veux que tu me réponds à certaines questions. Voilà ce que tu réponds. Tu réponds, non? Oui. Si il laisse ça pour venir ici. Oui. Bon, là-bas, tu dois fermer la bouche. Je trouve là-bas chez vous que c'est bon. Oui. Chez vous, pour convaincre quelqu'un, il veut dire que je suis là-bas ici, non? Non, non, ça c'est. Non, même non, quand on convainc, non? Oui. Même les femmes qui parlent là, que hier j'étais comme ça. Oui. Aujourd'hui, tout ma guérison grâce à. À telle chose. À telle chose, non? Oui. Ça, oui. Peut-être pour eux c'est simple. Oui. Mais pour nous, c'est des avances. Tu dis ça, non? Mais là, je te pose la question. Entre eux, entre chez vous là et chez Jésus, lequel est puissant? Attends, là, parce que je veux un défi là maintenant. Savoir. Donc, qu'est-ce qui est le plus puissant? Chez nous, n'est-ce pas? Oui. Je peux dire que pour moi. Oui. Parce que là-bas, Donc tu penses que les crânes sont plus puissants que le Seigneur Jésus? Non, je ne sais pas, moi, n'est-ce pas? Oui. Quand on me dit que, bon, voilà, va faire tel truc à tel endroit. Oui. Pour t'ouvrir la route. Oui. Dès que je fais, je vois comment les affaires marchent. C'est pour ça que tu as la preuve claire. J'ai la preuve claire. Oui. Bon, alors en Jésus, je vais laisser ça. Alors en Jésus, là où j'ai une grosse charge qui me tient. Oui. Quand je pars dans, quand j'entre là-bas. Oui. Quand on entre comme ça là, c'est son exhération, les amis de mon père qui meurent avant que l'on prenne. Oui. Et quand on arrive là, les amis, ceux qui sont encore vivants, oui. Puisque mon fils, qui est mon ami, ton père était mon ami comme ça. Oui. Et comme moi et ton père étaient comme ça, oui. Rester avec nous être comme. Comme ça. Donc moi, père, mon enfant que tu donnes, oui. Comme tu étais avant lui, tiens sa. Bien. Tiens sa main. Mm-hmm. Je tiens sa main. Hein? Hein? Oui. Celui-ci. Ça c'est. Donc, il marche avec le chef, c'est des gens qui sont avec le chef à Fort Bangam. Il est parti, oui. Jusqu'à quand tu vois le chef, quand tu vois, il est assis. C'est Zochinda. Oui. Donc c'est les gens de la famille, les neufs. Oui. Lui. Donc il est comme ça, ils ont les totems. Oui, il n'est pas. Il est du village voisin. Oui. Il est Bangam, M. Bâtier. Oui. Il est Bangam, oui. Donc, quand on dit qu'arrête la main de l'enfant, si. Oui. Le père parle lui-même. Bon, parfois on l'enterre, on dit que dans. 9 jours. Non, on peut dire. Que même dans 2 ans avant qu'on pleure, oui. Et c'est dans 9 ans ou dans 8 ans, les familles qui n'ont rien, oui. Ou qu'on attend que le succès grandisse d'abord. Je veux tenir. You know, sans faire les sans, avant que avant d'attendre les 8 ans. Oui. C'est moi qui tiens encore. Là-bas chez vous, c'est vous appelez le document là, non? Oui. Mais chez nous, c'est le sac. C'est le sac. Pardon, avec les trucs dedans. Avec les trucs, le que tu vas passer le bâton de commandement. Et qu'on donne. Oui. Et quand tu pleures le dé, on assis là, on fait le tout, on fait le tout. Juste parce que tu attrapes. On attend que tu attrapes la personne. Ton père, les gens passent. Oui. Il passe jusqu'à la dernière réunion en passant. Mm-hmm. Je me lève parce qu'on m'a laissé le plein pouvoir. Mm-hmm. Et en prenant cette personne, rien ne peut m'arriver. Oui. Bah, amis, les gens crient, les familles crient. Non. On la bille directement. Oui. On la mène on la mène. Les trucs de tout le monde. On la t'attache. On la mène. On te met directement ce qu'on a. Là. Oui. Attends. Vous faites comment pour que ça rentre dans le ventre? Non, laisse. Gang, ne me fais pas parler. Oh, tu m'en as trop piscine depuis le matin. Bon, attends, t'as dit quelque chose. Non. Attends, t'as dit quelque chose. Oui. Tout ce qu'on voit, ce qui a crié. Quand ça revient, oui. Quand tu ressors, tu n'es plus toi. Oui. Parce que quand tu sors, oui. Tu n'as plus des amis, on te met le truc à la bouche. Dans la bouche. Tu ne parles plus. Oui. Donc, tu vois tout le monde. Tu as changé. Tu as changé. Donc, quelque chose entre en toi. Même tu avais 11 ans, sans faire 3 ans, tu es vieux. Gros. Imposant, oui. Et la carrosse qui te parlait. Oui. Donc, chaque personne a un esprit, un animal qui lui est mort. Non, c'est toi qui choisis. Là, c'est les faux trucs qu'on dit. Oui. Là, c'est après que toi tu veux. Mm-hmm. Et ça dépend de manière. Mm-hmm. Il y a d'autres qui peuvent vouloir l'oiseau. Oui. D'autres qui peuvent vouloir le serpent. Oui. Qui peuvent vouloir la panthère. D'autres qui peuvent vouloir le lion. Oui. Hein? D'autres peuvent vouloir le singe. Oui. C'est encore notre. Mais les chefs ont beaucoup de animaux. Mais ce qu'il veut dire ici, oui. Il faut que toi et moi on conclue parce que je vais te laisser partir, mais je vais aller travailler. Oui. Ce qu'il veut dire que. Tout cela, tu comprends que ce sont les créatures. Non, je t'ai dit que quoi, hein? Si je veux forcer les deux, ça m'amène. Non, il ne dit pas que tu forces les deux. Je t'ai dit qu'en fait, tu as choisi le mauvais chemin. Non, le chemin que j'ai pris, hein, oui. Ce n'est pas aujourd'hui. Je t'ai dit que je dois avancer dedans. Il n'y a pas de problème. Tu peux avoir été 60 ans dans le faux. On vient te guider aujourd'hui, tu non, sors. Je ne peux pas. Non. Qu'est-ce que si, ça fait de sortir? Oui. Ça me prend, c'est moi qui paie. Non, ça ne veut pas te prendre. Non, il peut te rassurer que le nom de Jésus est puissant. Je te dis que même si moi je suis un démon, hein, oui. Le démon est plus puissant que Jésus. Pardon? Le Satan est puissant. Bon, ok, maintenant, attends. Pourquoi tout ce qui est de mal, hein? Oui. Pourquoi tout ce qui est mauvais vient de Satan? Oui. De Satan. Oui. Parce que la Bible déclare que le monde actuel, Dieu a soumis ça à Satan pour le moment. Voilà. Et maintenant, il a mis les serviteurs que nous sommes pour retirer les gens des ténèbres. Si tu veux, n'est-ce pas? On se donne un rendez-vous dans un endroit, je loue un endroit dans l'hôtel, une chambre où toi et moi, on est ensemble. Je mets la main sur ton ventre au nom de Jésus. Comment ces choses de sortir? Tu veux marcher toujours avec ça? Hein? Oui. Ici là dedans jusqu'à. Je dis que dans ces cas, si tu dis comme ça, il te laisse moi, sachant que je t'ai parlé aujourd'hui, je parle moi. Je suis pas là, je ne peux pas. Je ne me fais pas sortir ça. Hein? Non, je ne peux pas. Gang. Attends, mon gars, c'est rentré. Viens, je sors ce qu'il y a, je vois d'abord. Ok, mais là maintenant, on fixe un défi. Si celui-là rentre de Bafoussam, oui. On sort ce qui est dans le ventre de ses enfants, de ce corazon. Tu acceptes qu'il soit pour toi? Il a Bafoussam. Non. Ma part ne va pas de là. Non, ça passe quoi? Ça passe quelqu'un qui est entré. Il n'y a pas de problème. Que ce soit là-bas, là, ici, chez toi, quelque chose est entré. Le gars m'a dit, malgré quelqu'un est entré. Dans son corps, il a mis son corps. De son enfant. Oui. Et il parle, il comprend. Il a compris, mais je n'ai pas compris. Mais il m'a dit, son père, c'est le père de l'enfant qui m'a dit. Oui. C'est le père de l'enfant qui m'a dit. Là, je dis que si on parvient à chasser celui-là du corps, est-ce que tu veux qu'on chasse aussi pour toi? N'a pas mystique. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'on confond ça. Non, tu as dit tout à l'heure qu'ils ont fait plus fort que Jésus. Comme ça, il te montre que Jésus est le Tout-Puissant. C'est moi qui ai voulu. Oui. Je ne veux pas qu'on retire. J'avais pris. Pourquoi tu fais ça? Non. Bon. Ça, c'est ma part de pouvoir. Hein? Oui. Que Dieu m'a donné. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas le Dieu que je sais. Non, on ne sait pas le même Dieu. De chez nous, attends, attends. Est-ce que c'est le Dieu que je sais, que tu sais? Bon, tu sais qu'on va te confier. On ne peut pas te confier quelqu'un, non? Oui. Au village, non? Oui. Parce que tu ne sais pas tout. C'est pas ton domaine. C'est pour ça que je t'avais dit donc. Bon, ton chemin, c'est que quand on va, quand nous on passe là, oui. Tu vas nous voir comme des fous. Oui. Mais c'est pour nous là-bas. Oui. Mais je t'avais dit que, n'est-ce pas, nous sommes d'accord que ce n'est pas le même Dieu qui t'a donné ça, non? Tu vas venir au village avec moi. Oui. Je vais te dire que. On va rester, on va aller au village, on reste là. À un moment donné, il veut dire que, ouais, commandant, prends un grand vin là. Hein. Oui. Mon ami m'appelle à Bamenjou là, j'arrive, je cours à Bamenjou, le prends, j'ai rien. Oui, reviens. Alors que les Ndoujou passent derrière, tu sens que, ah, je m'en vais aussi voir ça pour faire le temps, peut-être, voilà, je vais pas venir. Oui. Je suis là, je te vois. Tu es au milieu là. Tu vois la réaction. Je te vois. Oui. Je veux te voir. Oui. Moi, je te vois. Oui. Mais tu ne me vois pas. Oui. Mais je me mets, je dis que je veux. Hein. Tu vas voir ce que ça va se passer. Oui. Je veux d'abord qu'on confronte quelque chose. Oui. Toi, comme tu es le premier, je confronte celui qui est à l'intérieur de toi. Pour que tu saches que Jésus est puissant. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Non, mais attends, essaie de tester ta puissance. Il ne veut pas. Moi, n'est-ce pas? Oui. Ça là, l'achat des gens que j'ai. Oui. Aujourd'hui, si jeune que je suis, il y a beaucoup de papas qui m'ont confié. Les mamans, les papas qui m'ont confié. Oui. Les soeurs. Oui. Parce qu'ils savent que à mes confiants. Mais il y a un vieux qui t'a. Attends, je dis quelque chose. Il y a un vieux qui t'avait appelé et qui t'a dit que mon fils, ce que tu as reçu, fais attention avec cela. Pour ne pas faire quelque chose de mal. Oui. Mais il n'y a pas quelque chose de ça, c'est pas pour le mal. Non, non, je vais parler du conseil que ce monsieur, si tu avais dit, un papa, il t'a appelé en aparté, il t'a parlé en patois en disant que ces choses que tu as reçues, garde-toi de faire le mal avec cela. Que tu fais comme ça, là, si tu travailles bien, ça va te protéger pour longtemps. Moi, oui. Je n'ai pas encore eu les trucs de thème. Oui. Mais c'est un certain âge qu'on a ça. Oui. Hein? Oui. Mais je dis que les chats. Il dit que ce qu'on t'a donné, il a dit que tu es à bon escient. Non, on ne donne pas. Tu sais que, hein? Oui. Chez nous maintenant, au village, beaucoup de gens, quand on donne tu changes, oui. Ça crée le deuil. Oui, au village. Ça crée le deuil. Oui. Si on dit c'est toi, oui. Tu viens prendre ton petit frère. Oui. Ça va créer le deuil. Ça crée le deuil. Mais si je suis j'en ai dit, j'en ai dit que bon, oui. Quand l'initiation a eu lieu pour toi, il y a un papa qui t'a donné le conseil, que tu fasses attention avec ce qu'on t'a donné, tu utilises ça bien pour le bien de la communauté. On ne dira rien, pas tout te dire. Toi, je ne peux pas tout dire. Ta part, c'est que tu te concentres pour me dire. Vous sortir quelque chose de moi, non? Oui. Mais ma part aussi. Même venir là m'asseoir et tenir au milieu des gens. Que voilà. Bah, tu parles avec autorité. Là, vous dites que ce doit être qui est. On va arrêter qui est. Quand il n'y a pas, je comprends qu'on va vous dire que ça peut être tel. Tu fais comme si il ne comprend pas. Je suis conseillé de ça. Tu attends seulement le jour où il y a la danse. Après, non, à la deux minutes. Parce que d'autres comprennent. Parce que maintenant, quand on arrête, maintenant là, les gens peuvent avoir les mauvaises mains. Oui. Maintenant, on a des trucs professionnels. Oui. Tant c'est moi qui va t'arrêter. Je viens là. Je dis, un enfant porte un sac de sellé, mais là-bas, là, on ne peut pas. Oui. Je reviens là, je te vois ce que tu as côté du sac de sel. J'ai bien vu te dire que, ouais, dis donc. Le sac de sel, si. Porte-moi ça, suis-moi, viens. On ne peut pas même bien vous dire d'engueuler. Oui. Dès que tu entres, on t'attrape. On cale la porte. Parce que maintenant, les gens meurent beaucoup de mauvaises mains. Il y a des mamans qui meurent. Oui. Ils veulent que leur fille soit successeur. Oui. Attends, tout ça pour quoi? Tout ça pour quoi? Parce qu'on paye des millions de francs. Pour être successeur. Tu ne sais pas. Attends, non, je sais. Il y a des gens qui donnent des millions de francs, les 15-20 millions pour être successeur. Attends, ça le donne quoi? Et après, ça cause les morts. Mais il dit qu'il dépense 15 millions pour prendre la succession. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait de la succession? Il veut l'honneur. Il veut prendre un titre sans marcher comme nous. Oui. Je peux sortir maintenant. Mon successeur va courir. Il va monter. Mon successeur serait joyeux. Oui. Parce qu'il dit successeur, voilà ce que demain. C'est pas lui, c'est pour toi seul. Oui. Tu vas gérer. Toi et tes petits frères. Tu dois gérer et les donner de la part de chacun. Mais d'aucuns croient que quand on donne ça, que c'est pour toi. Le pouvoir, c'est pour toi. Ce n'était pas comme ça. Comme ça, tu n'es pas comme mon enfant, toi seul. On cherche toujours celui qui peut rassembler et partager. On ne peut pas donner un bandit avant de tout. Donc c'est pour ça qu'on étudie beaucoup. Avant de faire cela. Avant de faire. Bon, je ne peux pas donner à un homme de Dieu. Maintenant, tu es dans le parce qu'il va vendre à donner à l'église. Donc, attends. Tu es dans le conseil des secrets du village maintenant. Oui. Mais je t'ai dit ceci. Que je peux donner ma succession à quelqu'un qui parle à l'église. Oui. Je ne peux pas donner mon successeur à celui qui ne veut pas travailler. Oui. Je dors parce que si tu accouches 11 enfants comme accouché là. Oui. Jusqu'à si les hommes sont trop faibles. Oui. Donne à une femme. Oui. Ma. Tu donnes une femme. Oui. Il y a des femmes qui ne permettent les hommes aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle pisse à terre que tu n'y as pas. Oui. Et là, elle va confier ça à un homme plus tard. Non, elle est là. Elle garde d'abord. Elle garde. Oui. Hein? Oui. C'est comme il peut donner maintenant mon petit-fils. Bon, attends, je peux donner mon petit-fils. Voilà, attends, je te pose une question. Oui. Dans votre réunion là, est-ce que vous avez parlé de Jésus dans le réunion secret là-bas? On ne connaît pas, on ne connaît pas ça. Oui. Non, tu ne connais pas ça. Oui. C'est pour ça que vous, quand vous parlez pour vous là, oui. Il n'est même pas entendre ça. Pourquoi ça dérange? Je ne veux même pas. Ça ne me plaît même pas. plusieurs fois tu es venu, j'ai dit qu'il faut que tu... Non, non, je m'intéresse, même ceci là. Oui. J'ai dit qu'il joue ma musique là, il m'en fout. Ça c'est le témoin de Jéhovah. Oui. Il parle pas de témoin de Jéhovah. Même quand il part là. Moi-même tu as dit tout à l'heure que tu m'as pas jamais vu aller à l'église. Je ne veux pas de l'église. Moi je pourrais te confier beaucoup de choses. Oui. Mais comme j'ai vu le chemin là, il dit que yo, mon beau là, tu vas m'amener dans ça, on connaît. Non. Attends. Le jour là, j'ai réfléchi, il était là-bas aussi, non? Oui. J'ai fumé la cigarette, je me suis assis ici. J'ai compris que ah, peut-être on me voit en haut là. Oui. Peut-être j'ai envie de me voir en haut. J'ai fumé, je suis pas là-bas. J'ai mis au coin. Quand tu es allé comme ça, je suis allé dans la chambre. Je voyais. J'ai dit, peut-être que je m'assois, on m'a dit, peut-être que je suis allé fumer. J'ai dit que non, peut-être juste parti. Il dit, mais je vois le chauffeur. Je suis resté là, jusqu'à une deuxième partie, le mangue, il me couvrait un peu. Là. Tu as entendu au nom de Jésus-Christ, là, sort. J'ai dit que peut-être c'est toi qui as le problème ou c'est ta femme qui a le problème. Je comprends un silence en plein à 11h. Oui. J'ai dit que, hé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a personne dans la cité ici. Après là, je tourne. Je vois les gens là sortent. Vous vous dites au revoir, en les saluant, on dit merci parce que merci. Tu as dit, hé. Donc tu as dit que ce que tu viens me confier là? Non. Attends, quand on aide les gens pour que les gens sortent de ces choses. C'est bien mon successeur. Oui. Tu vois, si c'est quelqu'un qui fait ton église ou quelqu'un qui parle à la toile. Non, je ne sais pas comme ça je suis. Non. Tu ne peux pas donner ta parole. Je n'ai pas changé. Je ne peux pas donner la parole à toi. Il faut qu'on soit entre nous. Oui. C'est que à l'homme que Dieu. Oui. Il va atteindre parce que là-bas, quand tu entres là, oui. Tu as ta place. Oui. Tu as tout ce qui te ressemble, tu as ta place. Jusqu'à quand je laisse mon successeur. Oui. Mon successeur va venir seulement là-bas laver ma chaise. Il ne paye plus de chaise. Hein. Oui. Il vient seulement faire nourrir encore. Oui, nourrir la famille qu'on allait pousser sur la chaise pour s'asseoir. Oui, s'asseoir. Parce que tout est là pour vous. Bon. Mais seulement c'est qu'ils vont me dépenser beaucoup sur ça. Les réunions sacrées. Oui. Parce qu'ils vont me pleurer au moins une semaine. Mais il y a quoi dans le sacré là-bas, les gens sacrés là-bas, il y a quoi dans le sacré. Tu en vois ce... Non, tu ne peux pas entendre. Non, je te dis pas. Bon, ok, ne me dis pas. Mais il faut qu'on se comprenne sur une chose. C'est que... Moi, que, oui. Je ne veux pas savoir ce qui est dans l'église. Oui. Hein? Pourquoi tu vas. Moi, il te parle de celui qui est avant. Non, je suis non, là. Non, je ne parle pas de témoin de Jéhovah. Tu montes en les présentant, comme ça, le doigt sur le témoin de Jéhovah. Je monte les doigts en haut. Je parle du Créateur, celui qui t'a créé. Non. Tu ne veux pas comprendre parler de lui. Non. Mais attends. Et en plus de ça, c'est lui-même qui va venir te juger encore. Il va juger même tes esprits, là, les esprits qui travaillent où vous savez au village. Là. Tu sais ça, hein? Eh mon cher. Non. J'ai pas parlé. Ça fait combien de temps qu'on vient de parler ici? Laisse. J'ai dit que ma part est pas facile. Bon. Bon maintenant, si les gens nous écoutent dans le monde entier, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est dans l'église? Celui qui est dans la tradition. Celui qui me suit, me suit. Celui qui te suit, te suit. Oui. Celui qui me suit, l'église suit. L'enfant, n'est-ce pas? Oui. Je ne peux même pas la voir les encourager d'aller vers chez toi. Hein? Oui. Attends, tu peux encore tes enfants de suivre la voie qu'ils suivent. Non. Et à la maison, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Oui. Je me dis, ma part, oui. Hein, oui. Voilà comment ça commence chez moi. Si je vais aller quelque part, hein, je dis que vous voyez mon cousin. Mon ami te l'a demandé que le sorci, oui. Si j'ai une truc à danser à toi là maintenant, oui. Pour qu'il pense à ici à ça y a ça. Oui. Il appelle mon enfant. Oui. Pardon, porte-moi le sorci. Le sorci là, ça c'est le truc que j'ai pas déposé à tel endroit. Oui. Tu couvres, tu pars. Oui. Que bon, moi-même je sors comme ça, il m'a mis l'eau ma centrale parce qu'il était là qui m'attend. Alors là, tu me dis que tu étais trop pris. Oui. Toi, tu dois le sortir. Tu vas t'arrêter à vous voir ce qui va se passer. Donc. Oui. Moi aussi, je sors encore par derrière. Parce que l'enfant me voit, il va dire que mon père est en tête. Oui. C'est comme ça une manière d'initier l'enfant. Tu as initié l'enfant déjà. Oui, lui voilà déjà parlé vous. Oui. Et là, il voit personne d'autre ne voit. Il met le sang là, le père dit papa. Assois-toi là. Il prend même une bière ou un petit panté avec la gang de Jibé, il te donne. Oui. Quand mes amis passent, là même moi-même crée. Mais moi-même je suis pas derrière, oui. À te de préparer même, oui. Au même truc. Oui. Tu vas connaître comment? Jamais. Si l'enfant me va dire, papa était là-bas avec les gens là, c'est pas bon. Donc il faut tu as envie de l'initier à savoir garder le calme. Ah, à savoir maîtriser, je vois les choses sans parler. Le truc, aller même sans connaître. Parce que si c'était l'enfant qui était à mieux, oui. Je peux dire, pas ton pas là-bas. Oui. Mais il pense à lui. Il est dédié. Ce sont les gens qui travaillent là. Oui. Non, ils sont venus. C'est au premier le village. C'est lui là. Ok. Bon, je dis que si quelqu'un nous écoute maintenant, si des gens nous écoutent, il y a deux voix. Là où nous tenons, nous deux là, il y a deux voix. La voix du Seigneur Jésus-Christ et la voix de la tradition. Je prends ma tradition. Tu as pris ta part. Jésus, ma part, choisi ma part. Il a choisi ma part. Jusqu'à ne peut pas changer. Et tu es prêt à confronter Dieu plus tard? Non. Mais le problème, c'est qu'il va t'amener un jugement quand tu viens présenter ta voix. Je préfère, je mets pour ma cause. Ah ouais, comment? Ok. Ouais. Bon, bonne journée. Merci, gouverneur. Hein? Gouverneur. Tu as deux dans la famille, tu ne me dis pas. Tu as deux dans la famille, tu ne me dis pas. Maintenant, là. Tu t'avances déjà.